Retour à la civilisation avec Histoire vivante et le néolibéralisme. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, voyage dans le libéralisme. Une société sans croissance ne fonctionnerait pas. Théorie, colloque et pratique, elle finirait forcément par s'effondrer. Un système à l'épreuve. La croissance infinie n'existe pas dans notre monde. Cette règle s'applique à tous les domaines, sauf un. L'économie est censée connaître une croissance infinie. On ne peut pas comprendre et dominer les détails de cet ordre hyper complexe. It was through audacious and imaginative use of mass production methods that US industry was able to perform its wartime miracle. Beliefs which have led us to do the right things, and they are not factually correct. L'obsession d'Hayek, c'est de montrer que la toute-puissance n'est qu'un mythe et que lorsqu'on se laisse prendre à ce mythe, on aboutit précisément à un ordre totalitaire. Quand Friedrich Hayek est étudiant à l'université de Vienne, la ville est encore capitale de l'Empire austro-hongrois. Bon élève, il obtient un double doctorat en droit et en sciences politiques. Il sert quelques années dans l'administration, devient le premier directeur de l'Institut autrichien de recherche économique. 1931, il reçoit une chaire à la London School of Economics. 1950, il rejoint l'Université de Chicago comme professeur de sciences morales et sociales. Quelques années auparavant, et c'est ce qui l'aura rendu célèbre, il a fait paraître un petit essai pamphlétaire intitulé « La route de la servitude ». On a besoin d'un appareil qui enregistre automatiquement les effets des actions individuelles et dont les indications sont en même temps la résultante et le guide de toutes les décisions individuelles. C'est là précisément ce que fait le système des prix en régime de concurrence. Et c'est ce qu'aucun autre système ne permet de faire. Il serait un mauvais économiste, celui qui ne serait qu'économiste. Ce n'est pas la source, mais la limitation du pouvoir qui l'empêche d'être arbitraire. Il n'y a rien dans les principes du libéralisme qui permette d'en faire un dogme immuable. Il n'y a pas de règle stable fixée une fois pour toutes. Il y a un principe fondamental, à savoir que dans la conduite de nos affaires, nous devons faire le plus grand usage possible des forces sociales spontanées et recourir le moins possible à la coercition. Il y a toutes les différences du monde entre traiter les gens de manière égale et tenter de les rendre égaux. La première est une condition pour une société libre, alors que la seconde n'est qu'une nouvelle forme de servitude. En dernier ressort, la société de concurrence recourt à l'huissier et l'économie dirigée au bourreau. Friedrich von Hayek, La route de la servitude, 1944. La thèse de Hayek est la suivante. La planification mène à la dictature. Le dirigisme économique implique inévitablement la suppression de la liberté. Pour Hayek, le terme planification ne se réfère pas à n'importe quel type de préparation de l'avenir par des individus ou le gouvernement, mais seulement à, je cite, la direction centralisée de toute l'activité économique selon un plan unique. Selon lui, des contrôles aussi complets sont nécessairement arbitraires, capricieux et finalement destructeurs de la liberté. Attirant l'attention sur l'Allemagne nazie comme l'incarnation de ses craintes, Hayek soutient, je cite à nouveau, que la montée du fascisme et du nazisme n'est pas une réaction contre les tendances socialistes de la période précédente, mais une conséquence inévitable de ces tendances. En d'autres termes, le fascisme n'est pas le visage hideux du capitalisme, mais une espèce de collectivisme. Pour Hayek, la voie vers le socialisme qu'emprunte la Grande-Bretagne est identique à celle que l'Allemagne a déjà choisie, la route de la servitude. Contre cette menace, Hayek oppose la route abandonnée de l'individualisme et du libéralisme classique, dont le principe fondamental affirme que, dans l'ordonnance de nos affaires, citation, nous devons faire usage autant que possible des forces spontanées de la société et recourir le moins possible à la coercition. Alain Boyer. Je crois que l'idée de base de Hayek est la critique de ce qu'il appelait le scientisme, c'est-à-dire la croyance naïve dans la possibilité d'appliquer immédiatement à la société les méthodes et les concepts qui ont fait le succès depuis Newton de la science de la nature et qui ont permis, du moins le croit-on, la domination de cette nature. De la même manière, donc, on va penser pouvoir dominer les processus sociaux comme on pense dominer les processus naturels. Et l'idée fondamentale, philosophique ici, qui est derrière cette thèse, c'est l'idée qu'en fait, l'erreur intellectuelle profonde du scientisme est une erreur sur les pouvoirs de l'intellect. C'est donc c'est une erreur sur lui-même. L'intelligence se trompe sur ses propres capacités en croyant qu'elle a des capacités illimitées, en croyant qu'elle est capable de comprendre non seulement la complexité du social. Je ne crois pas qu'Hayek dirait qu'on ne peut pas vraiment comprendre la complexité du social. Lui-même essaye de nous le permettre de le comprendre. Mais en tout cas, on ne peut pas comprendre et dominer les détails de cet ordre hyper complexe dont on peut sans doute quand même donner une science réelle. Alors, la thèse centrale, si vous voulez, ça serait le pouvoir de l'homme sur sa propre société est beaucoup plus limité qu'il ne le croit. Et pourquoi ? Parce que son savoir est beaucoup plus limité qu'il ne le croit. C'est-à-dire, il y a une ignorance irrémédiable à la base de la nature humaine, si vous voulez. Il y a une faillibilité irrémédiable, c'est-à-dire que nos jugements peuvent toujours se révéler faux. Nous pouvons toujours nous tromper. Et il y a une incertitude, en général, de nos situations. Donc, à partir de ce constat d'ignorance, on va critiquer à la fois les pouvoirs qui voudraient ou qui se croiraient capables de dominer la totalité de la société, ça va être la critique de la souveraineté illimitée, mais d'autre part, on va critiquer aussi les sciences ou les pseudo-sciences qui prétendent avoir compris la totalité de cet ordre. Bernard Manin. Au fond, ce qui me paraît peut-être le plus intéressant, en tout cas pour moi le plus intéressant dans la réflexion hayekienne, c'est cette idée que le pouvoir des hommes est fondamentalement limité et que si on méconnaît cette vérité, on aboutit nécessairement à un ordre de type totalitaire. Mais les choses vont un peu plus loin. Au fond, l'obsession d'Hayek, c'est de montrer que la toute-puissance n'est qu'un mythe et que lorsqu'on se laisse prendre à ce mythe, on aboutit précisément à un ordre totalitaire. Cela dit, il n'est pas le seul à avoir réfléchi sur la toute-puissance. On peut considérer que d'un tout autre côté et avec de tout autre présupposé, la réflexion heideggerienne, par exemple, est aussi une méditation sur les impasses du projet de la domination et de la toute-puissance. Seulement, l'intérêt d'Hayek est de montrer que, contrairement à ce que peut-être l'heideggerianisme a dit trop vite, ou est-ce que peut-être les partisans de l'école de Francfort, comme Adorno, Horkheimer ou Habermas, ont dit également trop vite, il y a dans le projet originel du libéralisme et dans l'idée même du marché, entendu comme un ordre spontané, que personne ne domine et que personne n'a voulu, quelque chose qui ne ressort pas de cette logique de la domination. Alors qu'au fond, je dirais, pour être très grossier et très simpliste, que la position des heideggeriens, voire des partisans de l'école de Francfort, c'est que la logique libérale participe de toute façon de cette idée de la domination absolue et de la toute-puissance. Ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a peut-être dans le libéralisme originel, dans ses principes, quelque chose qui résiste à la logique de la toute-puissance. Il faut montrer qu'est-ce qui exactement résiste à la toute-puissance et d'autre part aussi ce que coûte cette résistance et ce sur quoi il faut en quelque sorte céder si on ne veut pas sombrer dans les mirages de la toute-puissance. Cela dit, Hayek est fondamentalement ou a d'abord été un économiste et c'est d'abord dans ce milieu qu'il s'est imposé. En fait, je pense que même dans ses travaux économiques, il y a une sorte d'ambiguïté, parce que le fait qu'il ait reçu son prix Nobel d'économie finalement en 1974, c'est-à-dire à un moment où il n'avait à proprement parler plus publié de manière récente des choses concernant l'économie, en fait une sorte de reconnaissance globale pour son œuvre et pour sa célébrité qui tenait à la fois à l'économie mais aussi à ses grandes œuvres politiques. Autrichien, viennois, mais qui choisit de partir travailler à l'étranger. D'ailleurs, pourquoi quitte-t-il l'Autriche ? Alain Boyer. Bien, il avait étudié le droit et les sciences politiques à l'université de Vienne, puis l'économie, et il est très vite devenu disciple de von Mises. C'est la rencontre très importante de sa vie, c'est le fameux économiste autrichien, néo-marginaliste, Ludwig von Mises. Et von Mises l'a éloigné du socialisme démocratique pour lequel il avait certaines faiblesses, dirait-il, dans sa jeunesse. Et très vite, il est devenu donc économiste de la célèbre école viennoise. Et il a été invité, je crois bien, il a été invité en 1931 à venir enseigner à la London School of Economics à Londres. Et c'est pour cela qu'il s'y est rendu. Il y est resté plus d'une vingtaine d'années, en fait. Ensuite, il est allé aux États-Unis et surtout, il est très vite revenu en Allemagne. Le grand penseur, auquel les idées fondamentales de ce que nous appellerons le rationalisme constructiviste doivent leur plus complète expression, fut René Descartes. Mais tandis qu'il s'était abstenu d'en tirer des conclusions pour des discussions de problèmes sociaux et moraux, ses conclusions furent principalement élaborées par son contemporain, légèrement son aîné, mais qui vécut beaucoup plus longtemps, Thomas Hobbes. Bien que la préoccupation immédiate de Descartes ait été d'établir des critères de vérité des propositions logiques, ces critères furent inévitablement aussi employés par ses successeurs pour juger de la pertinence et de la justification des actions. Le doute radical qui lui fait refuser d'accepter quoi que ce soit pour vrai, qui ne puisse être logiquement déduit de prémices explicites qui soient claires et distinctes, privait de validité toutes celles d'entre les règles de conduite qui ne pouvaient être justifiées de cette manière. Bien que Descartes lui-même en ait éludé les conséquences en attribuant de telles règles de conduite à une omnisciente divinité, ceux d'entre ses disciples pour lesquels cela ne semblait plus une explication suffisante en vinrent à considérer comme superstition irrationnelle le fait d'accepter sur la simple base de la tradition tout ce qui ne pouvait être pleinement justifié sur des bases rationnelles. Le rejet comme simple opinion de tout ce qui ne pouvait être démontré comme vrai par ses critères devint la caractéristique dominante du mouvement qu'il avait lancé. Le philosophe Didier Guillaumet écrit « Hayek veut retenir de Descartes la contestation de toute autorité au nom de la raison individuelle. » L'usage de la méthode de la tabula rasa pour ruiner une tradition scientifique déjà, il est vrai, bien mise à mal à son époque et surtout, l'affirmation selon laquelle, grâce au progrès de la science, l'homme peut devenir comme maître et possesseur de la nature. En ce sens, il existe un état d'esprit constructiviste d'inspiration cartésienne, surtout que la frontière tracée entre champ scientifique, où s'applique le doute radical, et domaine pratique où il ne faut pas tout révolutionner, a été vite franchi. Son influence sur les philosophies et mœurs politiques en Europe conduisit à des postures de rupture radicale avec le passé. Le constructivisme, d'après Hayek, s'épanouit jusqu'à maintenant chez les théoriciens qui pensent pouvoir restructurer la société, voire refaire le monde, Rousseau, Auguste Comte, Karl Marx, Keynes, ainsi que leurs disciples. Les succès de la science moderne et les progrès technologiques nourrissent la foi en un rationalisme absolu et en une toute-puissance humaine censée s'appliquer aussi à la société. Et pourtant, la prudence est de mise. Notre connaissance du social est loin d'être aussi parfaite que notre connaissance de la nature. Le reconnaître permet justement de devenir plus efficace en évitant des erreurs lourdes de conséquences. Les sciences sociales ont affaire à des réalités très complexes, difficilement appréhendable en toute objectivité, puisque la subjectivité humaine y est dans son élément. Elles ont une spécificité dont il faut prendre la mesure. Hayek se méfie ainsi des économistes, des sociologues et des politiques qui pensent, en prenant modèle sur les sciences naturelles, pouvoir tout expliquer et tout planifier. Il n'existe pas d'esprit humain capable de centraliser et de comprendre toutes les données entrant dans la constitution d'une société, ni capable, a fortiori, d'en tirer des prévisions certaines. Il n'y a pas d'expert omniscient en sciences sociales, pas de compréhension parfaite des affaires humaines, ni donc de vérité absolue en politique. La certitude en point de mire. Ordre mathématique, reconstruction de l'édifice de la science, renversement par Hayek qui place Descartes comme un obscurantiste, Alain Boyer. Je pense qu'on pourrait dire que pour Hayek, toute théorie de la rationalité qui tente à déclarer irrationnelle les règles de comportement habituelles des hommes est à rejeter comme une théorie immodérée et fausse de la rationalité. Supposer que Descartes soit à l'origine de ce mouvement demanderait beaucoup d'explicitation. Mais il est vrai qu'on trouve chez Descartes, par exemple, une fameuse métaphore, comparaison dans le discours, qui consiste à dire, en suivant Platon en l'occurrence, en admiration pour Sparte, qu'une ville qui a été construite par la volonté d'un seul homme, d'un seul architecte et d'un seul décideur, est nettement plus belle et plus intéressante qu'une ville qui est le produit d'une longue évolution chaotique des hommes. Ceci serait, si vous voulez, la métaphore fondatrice du constructivisme. Le mot créé par Hayek lui sert à désigner toute théorie qui considère que les institutions ne servent véritablement leur but que si elles ont été délibérément élaborées en fonction de ses buts. Elles ont été voulues intentionnellement par quelqu'un qui a décidé de créer telle ou telle institution pour remplir tel ou tel but intéressant. Or, cette idée, pour Hayek, qui fonde le constructivisme, est tout simplement une idée fausse. C'est-à-dire qu'il considère que l'histoire peut réfuter cette thèse. On peut voir et trouver des institutions qui ont été le produit de l'action des hommes, mais non de leur dessein, pour citer la phrase la plus chère au cœur de Hayek, qui est une phrase du philosophe écossais Ferguson au XVIIIe siècle. Bernard Manin. Il s'agit là, à proprement parler, de tradition. C'est-à-dire qu'elles résultent bien des actions des hommes, mais leur ensemble, leur structure n'a été voulue par personne. Et ce que dit Hayek à propos de la tradition est fondamental pour sa critique du constructivisme. Car ce que récuse le constructivisme, entre autres choses, c'est non seulement les idées douteuses ou non démontrées, mais aussi tout ce qui est déjà là, en quelque sorte. L'état premier du constructivisme, ou ce que cherche à atteindre le constructivisme, c'est la table rase sur laquelle on va pouvoir bâtir rationnellement quelque chose. Or, la tradition, c'est précisément ce que le législateur trouve toujours déjà en face de lui quand il est placé face à une société à laquelle il essaie de donner des lois. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'étude du droit est moins rationnelle que l'étude des mathématiques ? Je ne dis pas cela car toute étude est rationnelle ou ne vaut rien, mais je dis que les grands maîtres de mathématiques ne font pas aussi souvent des erreurs que les spécialistes du droit. Un avocat pense généralement qu'il doit dire tout ce qu'il peut pour avantager son client, et il a donc besoin de la faculté d'arracher aux mots un sens qui n'est pas leur véritable signification, et de la faculté rhétorique de séduire le jury, et parfois le juge aussi. Que le juge, même s'il pense que ses raisonnements sont bons, prenne garde à ne pas s'écarter trop de la lettre du statut, car ce n'est pas sans danger. Il peut sans danger s'éloigner de la lettre s'il ne s'éloigne pas du sens et de la signification de la loi. Ce qu'un homme savant, comme le sont généralement les juges, peut aisément découvrir dans le préambule 16 de la Common Law, ce sont les raisons pour lesquelles elle a été faite. Mais dites-moi, je vous prie, à quelle fin les lois statutaires ont-elles été ordonnées, vu que la loi de la raison devrait s'appliquer à toutes les controverses qui peuvent s'élever ? Vous n'ignorez pas quelle est la force d'un appétit déréglé de richesse, de pouvoir et de plaisir sensuel. Comment il se rend maître de la plus solide raison ? en quoi il est la racine de la désobéissance, des tueries, des escroqueries, de l'hypocrisie et de toutes sortes de mauvaises habitudes. Et que les lois humaines, même si elles peuvent en punir les fruits, les mauvaises actions, ne peuvent cependant pas extirper les racines qui sont dans le cœur. Comment un homme peut-il être mis en examen pour cupidité, jalousie, hypocrisie ou pour d'autres habitudes vicieuses si elles ne se sont pas encore déclarées par quelque action dont quelqu'un puisse témoigner? La racine demeurant, de nouveaux fruits sortiront jusqu'à ce qu'on se lasse de punir et que, enfin, tout pouvoir capable de s'y opposer soit détruit. Mais alors, quel espoir y a-t-il d'une paix constante au sein d'une nation ou entre une nation et une autre nation? Vous ne devez pas espérer une telle paix entre deux nations, parce qu'il n'existe aucun pouvoir commun au monde pour punir leur injustice. Dialogue entre un philosophe et un spécialiste des Common Laws d'Angleterre, Thomas Hobbes, 1681. Bernard Manin. La grande polémique qui a en effet eu lieu autour de Hobbes, c'est sa polémique avec le principe de la common law anglaise, c'est-à-dire ce qui constitue, pour Hayek, et aux yeux des traditionalistes en général d'ailleurs, le modèle même d'un ordre spontané formé par l'action successive d'une multiplicité d'individus, les juges, qui font chacun référence à des décisions particulières de leurs prédécesseurs. Et c'est ça, la tradition de la common law. Or, on sait bien que Hobbes a adopté précisément une position d'hostilité marquée à l'égard de la common law, en particulier dans sa grande polémique avec Matthew Hale. Il y a plus d'informations dans une tradition que dans le plus sage conseil des hommes, disait Matthew Hale, parce que le plus sage conseil des hommes ne peut jamais prévoir tous les effets que produira telle institution, telle mesure. Alors que dans la tradition, on a au contraire des mesures qui ont fait la preuve de leurs effets, dont on connaît ce qu'elles produisent. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que la tradition, c'est du savoir incorporé. Pour Hobbes, il n'y a guère le choix. Il faut rebâtir intégralement l'ordre social, ou du moins trouver une explication rationnelle pouvant justifier l'ordre social existant. La façon de voir constructiviste conduit à des conclusions fausses, parce que les actions de l'homme réussissent largement, non pas seulement au stade primitif, mais plus encore sans doute dans un milieu civilisé, du fait qu'elles sont adaptées à la fois aux faits particuliers qu'il connaît et à un grand nombre d'autres faits qu'il ne connaît ni ne peut connaître. Et cette adaptation aux circonstances générales qui l'entourent est réalisée par son obéissance à des règles qu'il n'a pas imaginées et que souvent il ne connaît même pas explicitement, bien qu'il soit capable de les respecter en agissant. Ou, pour exprimer la chose autrement, notre adaptation à l'environnement ne consiste pas seulement, ni peut-être même principalement, en une intuition des relations de cause à effet. Elle consiste aussi en ce que nos actions sont régies par des règles adaptées au monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire à des circonstances dont nous n'avons pas conscience et qui pourtant définissent la structure de nos actions réussies. Droit, législation et liberté de Friedrich Hayek. Alain Boyer. La rationalité de l'action, en fait, est due au caractère, comme on l'a dit, au caractère adapté à des situations extrêmement diverses, changeantes, imprédictible. Les règles se trouvent, par une espèce de mécanisme de sélection, se révéler plus ou moins adaptées à la variation des environnements. Bernard Manin. Ces règles ont pour caractère essentiel, à ses yeux, d'être abstraites, mais abstraites dans un sens particulier. Pour que notre action réussisse, nous devons réagir selon un certain nombre de schèmes, de modèles, en fonction des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, et qui négligent à chaque fois un nombre considérable de traits particuliers des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Pour le dire très simplement, lorsqu'un homme se trouve quelqu'un qui cueille face à des champignons, ce qui lui importe, c'est de distinguer la catégorie des champignons comestibles des catégories de champignons qui ne sont pas comestibles. Et pour le reste, sauf s'il est mycologue, il peut le négliger. Et au fond, à chaque fois, le succès de nos actions repose sur la saisie justement de ces règles abstraites, c'est-à-dire l'application d'un certain comportement le même face à des situations qui pourtant présentent une multiplicité de différences dans leurs détails, mais que nous considérons comme négligeables par rapport à nos buts pratiques. C'est ce qu'Hayek appelle le primat de l'abstraction. Car pour lui, l'abstraction n'est pas simplement l'abstraction formulée et rationalisée, dont il considère justement qu'elle est, elle, secondaire, d'une certaine façon, au sens où qu'elle ne vient qu'après, mais il y a primat de l'abstrait, en ce sens que tout organisme vivant, et pas simplement l'homme d'ailleurs, vit, réagit par rapport à son environnement en sélectionnant un certain nombre de traits pertinents dans les différentes situations par rapport auxquels seul il réagit en négligeant tout le reste. Ce que veut dire Hayek par là, c'est que dans l'action, ce qui importe, ce n'est pas le vrai ou le faux, c'est la réussite ou l'échec. Or, la réussite ou l'échec dépend d'un certain nombre de circonstances qui sont pertinentes, qui sont décisives, et auxquelles les règles sont plus ou moins adaptées. Alain Boyer. Ces règles traditionnelles vont permettre à l'organisme de se maintenir dans le milieu où il est. Ce qui est impossible, ça n'est pas de comprendre les règles abstraites qui permettent aux individus de naviguer dans Paris sans trop, disons, sans trop de problèmes, ça n'est pas impossible. Ça, vous pouvez faire une théorie sociologique et une théorie juridique des règles. Ce qui est impossible, ça serait imaginer un espèce d'ordinateur central qui, dans une espèce d'hubris rationaliste du gouvernement, considérerait que la meilleure manière pour qu'il n'y ait plus d'accidents dans Paris, c'est qu'un ordinateur central prenne en déplacement de tous les agents dans Paris. Eh bien, ça serait l'hubris constructiviste qui voudrait pouvoir prédire les détails. Alors qu'en fait, comment marche le système ? Eh bien, c'est en laissant chaque agent qui ne connaît que des petites informations tout à fait partielles sur son environnement, mais qui connaît les règles, en gros, c'est en laissant chaque agent libre d'agir que la circulation sera, on l'espère, possible. Selon Hayek, il est donc nécessaire de s'affranchir de la fausse dichotomie du naturel et de l'artificiel. Alors Hayek fait remarquer que cette distinction, dont il dit qu'elle est misleading, ça a été traduit de manière un peu trompeuse par malvenue, en fait ça veut dire qu'elle induit en erreur, elle risque d'induire en erreur cette distinction, si on croit qu'elle est suffisante pour tout comprendre, cette distinction risque de faire commettre ce qu'on peut appeler une amphibologie, si vous voulez, confondre deux oppositions. En fait, on va confondre l'opposition naturelle-non naturelle avec l'opposition volontaire-non volontaire. Donc, on va identifier tout ce qui est non volontaire à de la nature et tout ce qui est non naturel à du volontaire. Autrement dit, si les institutions ne sont pas de l'ordre de la nature, cette identification nous amène à dire qu'elles sont volontaires. Alors que Hayek met en avant que effectivement, la société n'est pas un chaos, n'importe quoi n'y passe pas, il y a bien un ordre, mais que cet ordre, pour le dire de manière provocante, il n'est ni naturel ni artificiel. Donc, la société n'est ni un organisme, ni une organisation, elle est le résultat non intentionnel des actions intentionnelles des hommes. Il y a les résultats non voulus qui sont bénéfiques et qui sont réguliers, qui reviennent, souvent être les ordres spontanés, comme le marché, qui en fait est le modèle de toute la pensée de Hayek. Hein. Bien entendu, à chaque fois qu'il pense à ordre spontané, il pense marché, essentiellement. C'est exactement ce que Adam Smith décrivait sous la fameuse métaphore qui a été mal interprétée, d'après Hayek, la métaphore de la main invisible. Tout se passe comme si une main invisible dirigeait les actions des gens. Mais deuxièmement, vous avez les conséquences inattendues malfaisantes, conséquences inattendues des actions volontaires qui sont contraires, dont les conséquences sont contraires à ses intentions. C'est ce qu'on appelle, ce que les sociologues appellent les effets pervers. Et Hayek connaît ces types d'effets. Mais il pense que précisément, les pires de ces conséquences inattendues vont être celles qui proviennent des actions volontaires que nous entreprenons pour modifier les ordres spontanés en croyant que nous pouvons les modifier à notre volonté. Donc, la mécompréhension du caractère inattendu des conséquences du premier type produit des conséquences malfaisantes du second type.